Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 51. De la cause et de la formation des habitudes. Y a-t-il des habitudes naturelles? Y en a-t-il qui soient acquises? Y en a-t-il de surnaturelles? 1. Y a-t-il des habitudes qui soient le produit de la nature? En premier lieu, si l'on considère les habitudes comme des dispositions de l'homme par rapport à sa propre nature, il y en a qui forment comme une loi de la nature humaine et qui se trouvent, à ce titre, dans tous les hommes sans exception. Ainsi il est naturel à tous de rire et de marcher verticalement. Mais ces dispositions naturelles, susceptibles d'une certaine latitude, se trouvent en nous à différents degrés, et proviennent parfois en partie de la nature, en partie d'un principe extérieur. La santé parfaite, par exemple, peut venir de la nature seule, ou d'un principe extérieur qui a secondé la nature. En second lieu, comme disposition aux actes, aucune habitude ne vient entièrement de la nature. Toutes, si naturelles qu'elles soient, viennent, partie de la nature, partie d'un principe extérieur. C'est de la sorte que la connaissance des premiers principes est une habitude naturelle. Quand notre âme a conçu l'idée de la partie et l'idée du tout, elle juge immédiatement que le tout est plus grand que la partie. Mais où a-t-elle puisé l'idée du tout ou de la partie, sinon dans les espèces intelligibles qu'elle tire des images sensibles? C'est ce qui faisait dire à Aristote que la connaissance des principes nous vient des sens. Par rapport à la nature de l'individu, il y a aussi des habitudes dont le principe est naturel. Certains hommes sont plus aptes que d'autres à acquérir des connaissances, et cette aptitude, ils la doivent souvent à leur faculté sensitive, dont l'intelligence se sert dans ses opérations. Il y a même, du côté du corps, des habitudes appétitives dont l'origine est naturelle. Tel homme est disposé par sa complexion à la chasteté, à la douceur et à d'autres vertus semblables. 2. Y a-t-il des habitudes produites par les actes? Le philosophe a dit, les habitudes vertueuses et les habitudes vicieuses proviennent de nos actes. Les hommes ont le principe actif et le principe passif de leurs actes. La volonté est mue par l'intelligence, les facultés sensitives par la volonté, et les facultés intellectuelles par les vérités évidentes. Tout ce qui est passif est mu par un agent, contractant la disposition même de l'agent, les actes qui se renouvellent et se multiplient, engendrent, dans la faculté passive émue, une qualité bonne ou mauvaise, que l'on nomme habitude. En vertu de cette loi, les habitudes des vertus morales sont produites dans les facultés appétitives mues par la raison, et les habitudes des sciences, dans l'intelligence mue par les propositions premières. 3. Y a-t-il des habitudes produites par un seul acte? Pour la formation d'une habitude, la faculté active doit totalement subjuguer la faculté passive. Or, de même que le feu n'enflamme pas le bois dès la première atteinte, mais écarte peu à peu les dispositions contraires avant de lui imprimer sa ressemblance, la raison, qui est le premier principe actif dans l'homme, ne triomphe pas par un seul effort de la puissance appétitive, qui a des tendances très variées. Elle juge facilement par un seul acte que, dans telle circonstance et sous tel rapport, un bien doit être recherché, mais l'appétit, pour avoir cédé une fois, n'est pas vaincu au point de se porter constamment vers le même objet par un mouvement naturel qui mérite le nom d'habitude. Un tel mouvement appartient aux vertus. Note. N'espérez donc jamais obtenir les vertus solides, si, Par des actes fréquents de ces mêmes vertus, vous ne détruisez les vices qui leur sont directement opposés. Je dis par des actes fréquents, car, comme il faut plusieurs péchés pour former une habitude vicieuse, il faut aussi plusieurs actes des vertus pour produire une habitude sainte qui soit parfaite et incompatible avec le vice. Il faut même un plus grand nombre d'actes de vertu pour faire une habitude sainte qu'il ne faut de péché pour en faire une vicieuse, parce que la corruption de la nature fortifie toujours celle-ci et affaiblit l'autre. Confère le combat spirituel, Laurence Cupoli traduit par Gibrignon. Fin de la note. Pour ce qui est des sciences, une seule proposition évidente peut forcer l'assentiment de l'intelligence et y déterminer une habitude intellectuelle. Cela n'a pas lieu, toutefois, dans les habitudes que produisent les choses d'opinion, ni dans celles qui appartiennent aux puissances inférieures, telles que l'imagination et la mémoire, celles-là ne se forment qu'à l'aide d'exercices réitérés. 4. Y a-t-il des habitudes infuses par Dieu? Toutes les habitudes ne sont pas le produit de nos actes, il y en a que Dieu nous donne par infusion, comme le marquent ces paroles de l'Ecclésiastique. 15, 5, le Seigneur l'a rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'existence de ces sortes d'habitudes se démontre et s'explique par une double raison. Premièrement, la béatitude dernière surpasse les forces de la nature humaine. Les habitudes devant être proportionnées à l'objet auquel elles disposent, celles qui nous préparent à notre fin suprême dépassent de toute nécessité nos facultés naturelles, voilà pourquoi elles proviennent d'une infusion divine, ainsi que les vertus surnaturelles ou gratuites. Secondement, Dieu peut produire les effets des causes secondes sans l'intervention de ses causes. Pour faire éclater sa puissance, il infuse dans les hommes des habitudes qui auraient pu être l'effet d'une cause naturelle, comme il rend parfois la santé aux malades sans recourir aux causes naturelles. Ainsi il donna aux apôtres la science des écritures et des langues, que l'on acquiert par l'étude et par l'usage. Note. Ceci est une introduction à la question des vertus théologales qui reparaîtra dans la suite. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.